Mesdames, messieurs, voulez-vous écouter maintenant Le soulier de satin, action espagnole en 4 journées de Paul Claudel. Illustration musicale de Louis Aubert, présentation du révérend père Roguet, mise en onde d'Henri Vermeil. Voici quelle sera la distribution de la 3e journée que vous allez entendre ce soir. Madeleine Renaud, sociétaire de la Comédie Française, jouera le rôle de Donia Musique. Ève Francis, celui de Donia Prouèze. Marguerite Mayanne sera Donia Isabelle. Raymond Vernet, la logeuse. Yvette Dainville, la servante. Gine Réty, l'enfant. Jean-Louis Barrault de la Comédie Française sera Don Rodrigue, devenu le vice-roi des Indes espagnoles. Fernand Fabre jouera le rôle de Don Camille. Jean Worms, celui de Saint-Nicolas. Jean Touloute, celui de Saint-Denis d'Athènes. Lucien Brûlé sera Saint-Boniface. François Vibert, Saint-Adlibitum. Albert Gercourt, le secrétaire. Jacques Tann, l'huissier. Avec Robert Dalban, Jacques Driana, René Villemet, Gaëtan Jor, Lucien Treffel et Paul Bernard dans le rôle de l'ange gardien. La voix chantée, Jeanne Segondi, orchestre sous la direction de Jean Giardino. Les 2 premières journées du soulier de satin nous ont montré Don Rodrigue et Doña Prouèze séparés par la volonté du roi qui a besoin de leurs services respectivement en Amérique et à Mogador. Plusieurs scènes serviront à nous montrer l'action géniale de Don Rodrigue créant un nouveau monde. Mais ce qui importe le plus pour l'intrigue, c'est le voyage de la lettre dans laquelle Doña Prouèze demande à Don Rodrigue de revenir auprès d'elle. 10 ans, cette lettre voyagera entre 2 mondes, sans atteindre son destinataire. Et lorsqu'elle le rejoindra enfin, il sera trop tard. Doña Prouèze mourra, et c'est dans la définitive séparation corporelle que s'achèvera la raison d'être providentielle de ce grand amour. La première scène de cette journée se passe en Bohême, au cœur de l'Europe que la Réforme a déchirée. L'église de Saint-Nicolas de la Malastrana, à Prague, quelque temps après la bataille de la Montagne Blanche qui a arrêté les progrès de l'hérésie. Le soleil d'un soir d'hiver entre par la verrière au-dessus de la porte, qu'encadrent les faisceaux mêlés d'anges et de guirlandes, de tuyaux d'orgue, pareils aux fuseaux prismatiques de la grotte de Fingal. Donia Musique, dans un grand manteau de fourrure pris au milieu de l'église, pour l'enfant du vice-roi de Naples qu'elle va bientôt mettre au monde et qui sera Don Juan d'Autriche, sauveur de la chrétienté contre l'islam. Le cœur très sombre, où brûle une lampe et sur lequel s'ouvrent des loges vides, est orné de 4 piédestaux encore inhabités, mais qui vont recevoir les évêques illustres qui se présenteront à l'instant et qui sont les saints protecteurs de l'Europe moderne qui va naître. En Saint-Nicolas par l'étroit. C'est demain fête, par le commun, piétiné par la... Sur les champs, les églises et brumines, âges et fondres, les ensages de l'évêque ont déroulé de nappes de neige. Tout un là-dessous, les catholiques, les protestants, tout est réuni, tout est préparé et d'emporter. On ne bouge plus. Il fait trop froid dehors pour les gens de guerre. Les seigneurs se chauffent à leur cheminée que remplissent les meubles en bottes des sacristies et les saintiers. Les théologiens discutent dans les auberges. Et les pauvres gens, comme un oiseau transi entre 3 feuilles de houx, recommencent tout doucement à espérer et à vivre. Ce n'est mis pour toujours, peut-être. Réveillez-vous, bonnes gens. Ce n'est pas moi sur qui il faut compter pour pleurer dans votre soupe. Regardez ce petit soleil piquant. Je ne m'entends qu'avec les petits garçons, et ma journée n'est pas perdue quand j'ai mis dans leur cœur un peu de joie rude, un bon coup de rire grossier. Je ressuscite les morts fondus en leur frottant le museau avec de la neige. Et comme le soleil d'hiver, d'un seul coup, remplit 100 000 chaumières, si du bout de mon gant je gratte le givre de vos carreaux, en une seconde, ce sera Saint-Nicolas partout dans l'Allemagne. Et Saint-Nicolas prend place sur son piédestal. Oh, mon Dieu, qu'il fait bon ici, et que je suis contente avec vous. On ne peut plus être ailleurs. Il n'y a pas besoin de rien dire. Il n'y a qu'à vous apporter ma lourde personne et à rester en silence à vos pieds. Ce secret qu'il y a dans mon cœur, il n'y a que vous qui le connaissiez. Il n'y a que vous avec moi qui compreniez ce que c'est que donner la vie. Il n'y a que vous avec moi qui partagiez ce secret de ma maternité. Une âme qui en fait une autre, un corps qui nourrit un autre corps en lui de sa substance. Mon enfant est en moi et nous sommes ensemble avec vous. Et nous prions tous à la fois pour ce pauvre peuple effaré et blessé et effacé qui m'entoure, afin qu'il se laisse penser et comprenne les conseils de l'hiver et de la neige et de la nuit, chose que je n'aurais pas entendue autrefois, avant qu'il y eût cet enfant en moi, alors que ma joie était au dehors. Que la colère et la peur, la douleur et la vengeance cèdent aux mains enveloppantes de la neige et de la nuit. Ah, je revois ces têtes sanglantes entre lesquelles j'ai dû passer et qui furent plantées de chaque côté du pont Charles par l'ordre de mon mari. Boniface, précédé par un frison trapu à la tête énorme comme d'un bœuf. Et quel autre moyen y avait-il d'empêcher ce sot peuple de se donner à mes Saxons ? Fallait-il laisser le moine noir s'installer au cœur de l'Europe pour y empoisonner les sources ? Qu'il demeure avec les feux follets au milieu de ses marécages et de ses tourbières. Gloire à Dieu, ce que Poitiers fut contre Mahomet, la Montagne Blanche le fut contre les hérétiques. Honneur à tous ces bons capitaines, recrutés de tous les coins de la chrétienté, qui ont maintenu à Prague l'image de la Vierge Immaculée. Leur tâche est faite. Et moi, Saint Boniface, je reste avec la mienne, qui est lourde. Ah, ce n'est pas peu de chose d'être apôtre des Saxons et l'évêque de ce troupeau intérieur et enfermé, de ce peuple bouché et qui fermente. Je veux qu'il y ait un peuple plus rapproché de la matière, et plus rabattu sur elle, et plus mélangé à elle, et plus fait qu'aucun autre pour la pénétrer, et pour en être pénétré, un peuple, hors de tous les cadres secs et de toutes les nations rigides, qui soit à l'égard de toute chose, à l'état de désir, une grande réserve au centre de l'Europe, semi-fluide, une négation confirmatrice, une poussée, qui bourrent et remplissent tout et qui maintiennent tout ensemble un homme intérieur et enveloppé en qui la parole de Dieu ne devienne pas aussitôt action, mais cuisson, fermentation profonde. C'est pourquoi en ce moment où l'Europe conquiert la terre et pour que son cœur suffise à tout ce corps nouveau, Dieu a mis cette contradiction au milieu d'elle. Saint Boniface prend place sur son piédestal. L'ombre s'accroît, la lampe brûle, et j'entends autour de moi le gémissement de tous ces peuples qui cherchent arrangement entre eux dans la nuit. Il fallait la nuit pour que cette lampe apparaisse. Il fallait tout ce bouleversement autour de moi, ce monde autour de Prague où il n'y a plus rien à regarder, pour que, fermant les yeux, je trouve en moi mon enfant. Cette simple petite vie qui commence. Par la volonté de mon époux et par sa puissante épée, l'avalanche de l'Europe qui s'effondre a été arrêtée à moitié route. Elle s'est divisée autour de cette mince colonne où se dresse l'image de Marie. Et l'hiver étend son manteau sur les morceaux enchevêtrés de cette chrétienté en débâcle. Mon roi est venu. Il est là. qui ait obligé tout ce chaos à s'arrêter. Il faudra bon gré mal gré que ces gens acceptent la tyrannie, comme ils disent. Mais moi qui l'ai connue avant eux, je sais qu'elle est bonne. Et c'est entre ses bras que cette vie nouvelle en moi prend origine. Maintenant que le pouvoir en eux de faire le mal est restreint, c'est alors que le bien captif est délivré. Au lieu de tout ce mal qu'ils essayaient de se faire à grand labeur, mon Dieu, quelle surprise ce sera pour eux, toute cette joie qu'on n'avait qu'à leur demander pour qu'ils la donnent. Voyez ce que les yeux d'une femme obtiennent, ou rien que cette voix qui chante. Mon Dieu, vous m'avez donné ce pouvoir que tous ceux qui me regardent aient envie de chanter. C'est comme si je leur communiquais la mesure tout bas. Je leur donne rendez-vous sur un lac d'or. Quand on ne peut faire un pas sans trouver de toutes parts des barrières et des coupures, quand on ne peut plus se servir de la parole que pour se disputer, alors pourquoi ne pas s'apercevoir qu'à travers le chaos, il y a une mer invisible à notre disposition. Celui qui ne sait plus parler, qu'il chante. Il suffit qu'une petite âme ait la simplicité de commencer, et voici que toutes, sans qu'elles le veuillent, se mettent à l'écouter et répondent. Elles sont d'accord. Par-dessus les frontières, nous établirons cette république enchantée où les âmes se rendent visite sur ces nacelles qu'une seule larme suffit à lester. Ce n'est pas nous qui faisons la musique. Elle est là, rien n'y échappe, il n'y a qu'à s'adapter, il n'y a qu'à nous y enfoncer jusque par-dessus les oreilles. Plutôt que de nous opposer aux choses, il n'y a qu'à nous embarquer adroitement sur leur mouvement bienheureux. Le roi, mon maître, a apporté à ce pays l'immobilité et la paix, mais il a apporté aussi avec lui son épouse bien-aimée. Et c'est ici, sans visage, que je veux m'arrêter toujours. Moi, la musique lourde du fruit que je porte. Entre Saint-Denis d'Athènes, précédé d'un ange pareil à ceux du Bernin, qui porte une grande palme verte sur l'épaule. Oui, qu'il fait bon dans cette église solitaire, vide de toute assistance autre que l'invisible officiellement suggéré par ces loges à droite et à gauche au-dessus de nous. Écoutez ce petit être qui prie de tout son cœur, les mains jointes et les pieds de son esprit déchaussés. On ne voit que la lampe, un point de feu sur une goutte d'huile. Mais pour elle, la cavité de ce lieu est aussi redoutable que si l'obscure fumée de ce monde entr'ouverte, elle envisageait le buisson ardent ou le propitiatoire dans le tonnerre ou l'agneau sur son livre scellé. Il fait bon l'entendre qui dit merci à Dieu au milieu de ce monde à moitié chemin de la dissolution qui, pour un moment de mauvaise humeur, se résigne à la paix. Il lui semble qu'il n'y a qu'à laisser parler son cœur pour convier tous les êtres à ce cercle bienheureux. Mais l'homme sait bien qu'il n'a pas été fait pour être heureux. Car il n'y a d'ordre qu'au ciel, il n'y a de musique sinon là que celle de ce monde empêche d'entendre. Il n'y a rien sur la terre qui soit fait pour le bonheur de l'homme, et tout l'acharnement de tes Saxons, ô Boniface, ne suffira pas à le trouver. Cette tenace exploitation de la matière, qui pour mieux la pénétrer, se fait informe comme elle. Et c'est pourquoi existe, pour tout savoir, la mer des Slaves, cet abîme sans aucun plan où l'Europe a ses racines et qui toujours lui fournira son approvisionnement de douleur si elle venait à en manquer. Voilà pourquoi, à la voix de Saint Paul, j'ai quitté Athènes. Oh, quel dégoût j'avais de toutes ces académies et de Madame Sainte Minerve, déesse des professeurs. Je ne suis pas allé vers l'Est. J'ai compris que pour sauver l'Europe, pour fondre en un seul corps ce grand vaisseau, qui, battant les flots de ses ailes informes, essaie de s'arracher à la terre pour échapper à cette masse de boue, pour trouver la direction, c'est la proue qu'il fallait, c'est à la pointe qu'il fallait me placer là où il n'y avait plus devant moi que les étoiles. C'est le monde entier qu'il fallait mettre derrière mon dos. Et pour guider les hommes à travers les flots et la nuit, quelle meilleure lanterne y avait-il que celle que fait à mon poing ma tête coupée. Saint-Denis d'Athènes prend place sur son piédestal. Mon Dieu qui aides aujourd'hui, mon Dieu qui serait demain, je vous donne mon enfant. Oh mon Dieu, il frappe en moi et je sais qu'il existe. Qu'importe le présent quand déjà mon enfant en moi est tout formé. C'est en lui que je me multiplie comme un grain de froment qui nourrira des peuples entiers. C'est en lui que je me réunis et que je tends les mains de toutes parts à ces peuples qui ne sont pas encore. Qu'ils sentent ma chair avec leur chair et dans leur âme, mon âme, qui ne fait aucun reproche à Dieu, mais qui dit violemment « Alléluia et merci ». Qu'importe le désordre et la douleur d'aujourd'hui, puisqu'elle est le commencement d'autre chose, puisque demain existe, puisque la vie continue, cette démolition avec nous des immenses réserves de la création, puisque la main de Dieu n'a pas cessé son mouvement qui écrit avec nous sur l'éternité en lignes courtes ou longues, jusqu'aux pointes et virgules, jusqu'au point le plus imperceptible, ce livre qui n'aura son sens que quand il sera fini. C'est ainsi que par l'art du poète, une image aux dernières lignes vient réveiller l'idée qui sommeillait aux premières, revivifier maintes figures à moitié faites qui attendaient l'appel. De tous ces mouvements épars, je sais bien qu'ils se préparent un accord, puisque déjà ils sont assez unis pour discorder. Mon Dieu, faites que cet enfant en moi que je vais planter sur ce centre de l'Europe soit un créateur de musique, et que sa joie à toutes les âmes qui l'écoutent serve de rendez-vous. Entre Saint ad libitum, précédé d'une sorte de nymphe aux cheveux verts entremêlés de roseaux et tenant une rame dorée. Saint ad libitum signifie toutes les possibilités d'une Europe encore plus vide qui est en train de se former. L'Europe dort sous la neige. Ah, elle a bien gagné ce petit moment de repos. Mais bientôt, voici que de nouveau, ses forces redeviennent disponibles et que dans un recommencement inépuisable, elle ressent de toutes parts l'intérêt inépuisable de la mer. J'aime cette région des sources où chaque goutte d'eau qui tombe hésite entre les pentes qui lui sont offertes. Mais il en est une que je préfère. Tous les fleuves vont vers la mer qui est semblable au chaos, mais le Danube coule vers le paradis. C'est en vain qu'on nous dit qu'il n'y a plus de ce côté que le désert, des empilements de montagnes si hauts qu'on voit bien que ce n'est plus la mesure humaine. Sans doute, il fallait que le jardin primitif soit effacé, comme une ville condamnée dont on retourne le sol et dont on encombre les abords avec des pierres, comme un cœur ravagé par la pénitence. L'espace, du moins, est resté libre et vacant. Le vent de Dieu y souffle et jamais rien d'humain n'a pu s'y établir. C'est là qu'est la patrie. Ah, de t'avoir quitté, quelle est notre infortune! C'est de là chaque année que revient le soleil et le printemps. C'est là que fleurit la rose. C'est là que tend mon cœur avec des délices inexprimables. C'est de ce côté qu'il écoute avec d'immenses désirs quand chantent le rossignol et le coucou. Ah, c'est là que je voudrais vivre. C'est là que va mon cœur. Et Saint ad libitum enfin se dirige vers son piédestal. En mer, sur le bateau qui conduit en Amérique auprès de Rodrigue, dont Fernand, frère de Doña Isabelle, et dont Léopold Auguste, pédant ridicule au classicisme étriqué, qui se scandalise de la merveilleuse aventure vécue par Rodrigue si loin de l'Espagne. J'apporte en Amérique l'air de Madrid. Le vice-roi n'est pas aimé à Madrid. Il y a si longtemps qu'il est parti. Il est devenu cet homme d'outre-monde dont personne n'a entendu la voix, ni regardé la figure. Cette idée de relier deux mers par un canal, je vous prie, et qu'en disent les ingénieurs et les financiers? Ce n'est pas tout à fait aussi ridicule. Il s'agit seulement, si j'ai compris, d'une espèce de chemin par lequel, au moyen de câbles et de je ne sais quelle manigance hydraulique, on ferait passer les navires assujettis sur des espèces de chars d'un hémisphère à l'autre. Et voilà où va l'argent de l'Espagne, dont nous aurions tant besoin pour l'enseignement supérieur. Des navires ou des chars cavalcadant par-dessus les montagnes. Fort bien. C'est dans l'ordre. C'est dans l'ordre. Quand un tisserand fait le marin, un vice-roi peut bien faire l'ingénieur. Toutefois, il a pour lui le roi qu'il aime et qui ne le renverra jamais. Une erreur trop longue ne peut plus s'avouer. Mais je sens que vous voulez ajouter quelque chose. Que diriez-vous si notre vice-roi se donnait à lui-même congé? Lui-même? À lui-même? Lui-même. De lui-même à lui-même. Voyez. Qu'est-ce que c'est que ce papier? N'avez-vous jamais ouï parler de la fameuse lettre à Rodrigue? Si fait, mais j'ai toujours cru que c'était une espèce de proverbe ou paradigme pour les écoliers, comme l'épée de Damoclès et la maison que Pierre a bâtie. La voici. Vous pouvez lire l'adresse. Mais elle est cachetée. Si on l'ouvrait, elle perdrait toute sa puissance. Qui vous la procurait? Un moine qui la tenait d'un client, le matin pendu. Son histoire est singulière. Depuis le jour qu'Amogador, la personne que vous savez, l'a remise à certains galériens fugitifs qui, un mois plus tard, à Palos, ayant perdu jusqu'à sa chemise, eut l'idée de la fournir comme enjeu pour l'argent de toute la compagnie raflée, périr 2 heures après d'un coup de couteau. Et depuis 10 ans, la lettre passe ainsi de main à l'autre, de Barcelone à Macao, d'Anvers à Naples, apportant à celui qui, comme ressource dernière là-bas sur table, le succès du trépas incontinent suivi. Il n'est que temps de la faire enfin parvenir à son destinataire. Mais que savez-vous de l'effet qu'elle fera? Bien, je risque ma chance. Enfin, cette lettre qui peut décider de son départ, croyez-vous que le vice-roi la recevra de vos mains sans soupçon? C'est là ce qui me gratte un peu. Donnez-la-moi. Si le vice-roi part, tant mieux. S'il reste, ce sera pour moi une bonne introduction dans l'esprit de son Altesse. Il fera de vous son directeur de l'enseignement. L'ancien vient tout juste de crever. Je sens en moi l'étoffe d'un véritable empereur de l'instruction publique. En mer, au large de l'Orénoque, le pont du vaisseau amiral, au loin, une terre couverte de riches plantations, d'où s'élèvent des colonnes de fumée. Un fort, avec la factorerie qu'il domine, et toute une série de villages qui brûlent. Un ciel bas et chargé de pluie. On voit sur la mer plusieurs bateaux à l'ancre ou déjà appareillant pour partir. Des chaloupes surchargées leur amènent toute la population des villages radiés. Cette entrevue entre Almagro et Don Rodrigue nous montre en celui-ci un incomparable chef. Almagro, vous serez pendu. Je demande d'abord à être jugé. Et ensuite, si l'on me reconnaît coupable, décoller, comme il convient à un homme noble. Pendu, comme il convient à un traître. Je ne suis pas un traître. J'ai défendu contre vous le bien du roi. Cette terre que j'ai faite et qui lui appartient. Le bien du roi et l'obéissance de ses fils. Ce n'est pas avec l'obéissance que j'ai fait cette nouvelle Carthage. Alors explique-moi un peu, Almagro. Qui te poussait toute cette chose que tu as fait? Quel avantage et quel bien espérais-tu en retirer? Je ne sais, je n'y ai jamais réfléchi. C'est comme l'instinct qui vous jette sur une femme. Non pas pousser, plutôt, c'était quelque chose en avant qui me tirait. Il me fallait posséder cette terre, entrer dedans. C'était le commencement indispensable de quelque chose. Regarde, elle est détruite. Elle est détruite. La vase comblera tes canaux, les bêtes ravageront tes plantations. La brousse repoussera vite, c'est fini. En 2 ans, de l'œuvre et du nom d'Almagro, il ne restera plus trace. C'est déjà triste de voir une chose vieille qui s'écroule. Mais quelle joie avez-vous de détruire cette créature nouvelle et qui commençait? C'est vrai, j'ai de la joie de voir ce feu qui dévore ton œuvre. Elle aurait été plus mince encore que j'aurais été la rechercher. Oui, j'ai de la joie de détruire cette œuvre qui s'était permis d'exister sans moi. Vous ne m'avez jamais compris. Et qui donc aurait été mieux capable de te comprendre? Qui t'a regardé depuis 2 ans avec de meilleurs yeux? J'ai essayé quelque chose de ce genre une fois en Floride. Je me faisais instruire de toi. Oui, je t'ai même aidé parfois sans que tu le saches. Je connais ton courage, ton jugement, ton profond sérieux, ta justice pour les Indiens et les nègres, ton damnable orgueil, ta haine pour moi, ton injustice pour moi. Oui, c'était peut-être cela en toi que j'aimais le plus. Vous aviez toute l'Amérique pour vous. Ne pouviez-vous me laisser ce coin de l'Orénoque ? L'Orénoque aussi est à moi. Et il s'est trouvé tout à coup que j'en ai eu besoin. Il me fallait absolument des travailleurs, Almagro, je n'avais pas le choix. Pour le chemin chimérique entre les deux mers. Ne juge pas ce que tu ne peux comprendre. Tu n'avais qu'un domaine à créer, et j'ai à faire un monde. Et moi, je crois que vous étiez jaloux du pauvre Almagro. Il est vrai. Et tu me disais tout à l'heure que je ne t'avais pas compris. Mais si je n'avais pas compris ton œuvre, comment en aurais-je été jaloux? Comment comprendre ce qu'on n'aime pas? Et comment aurais-je aimé cette œuvre stupide qui était là, pour nous interdire la seule chose que je désirais? Quelle est cette chose? Ton amitié, Almagro. L'amitié d'un homme que vous allez pendre? Mon fils, as-tu pu prendre au sérieux cette plaisanterie? Et quoi? Tuer mon Almagro? Retrancher mon bras droit? Détruire un tel rival? Quand je ne veux cesser chaque jour de triompher de lui, lui faisant à mon côté une part presque semblable à la mienne. Je ne veux pas vous servir. Le malheur est que je n'ai pas d'autre choix sinon que tu me serves. N'ai jamais su ce que c'est que de servir un autre. Tu verras comme c'est intéressant de l'apprendre. J'aime mieux être pendu. Est-ce ainsi que tu apprécies l'honneur que je t'ai fait de m'occuper de toi? Je ne vous demandais que de me laisser tranquille où j'étais. Mais pourquoi parler ainsi? Quand chacune de tes actions n'avait pour but que de me défier et de me provoquer. Certainement, j'aurais fait plus que vous si j'avais eu les mêmes chances. Et tu veux que je laisse un homme pareil sur les rives de cet Orénoque? S'il ne vous faut que ma haine, je suis à vous. La haine peut te mener loin, Almagro. Combien de gens sont morts à mon service, regrettant le jour où ils ont commencé à me détester. Vous êtes un homme injuste et cruel. Si je n'étais injuste et cruel, tu ne m'aimerais pas autant. Ah, que n'ai-je une arme à la main pour vous faire payer cette dérision? Je ne demande qu'à te donner cette arme. Regardez ce mauvais garçon qui voudrait me mordre parce que j'ai donné un coup de pied dans ses soldats de plomb, quand il devrait me remercier que je sois allé le rechercher au bord de sa salle Orénoque. Almagro, tu t'es trompé de 100 ans. Dans 100 ans, il sera temps de prendre la charrue. Maintenant, c'est avec le glaive que nous devons labourer. Laisserai-je mon lion plus longtemps brouter l'herbe comme une bête à cornes? Là où mon Amérique finit, là où, se dirigeant vers le pôle, elle s'effile comme une aiguille toute parcourue de tremblements magnétiques, là est la part que je t'ai réservée. Ceins la cuirasse, Almagro, boucle l'épée sur ta cuisse. Est-ce qu'il s'agit de cultiver, tandis qu'il y a devant toi cet empire tout en or qui t'attend, et dans la nuit antarctique, cette défense monstrueuse à escalader? Là où le monde s'arrête, c'est là que toi-même, tu t'arrêteras. C'est à toi qu'il est réservé de fermer les portes de l'inconnu, et dans la tempête et le tremblement de terre, de poser le mot fin à l'aventure de Colomb. Au-dessous de la ligne que je te montrerai sur la carte, prends tout, et tâche de le garder si tu peux. À Panama, il y a tout un parti de jeunes furieux et de vieux désespérés qui t'attend. Je les ai choisis pour toi. Quand tu en auras fait tuer la moitié, avec l'autre, tu entreras dans le temple maudit du démon. Tu fouleras sous tes pieds les os secs des peuples perdus. Tu arracheras ces plaques d'or à la statue de Vitzliputzli. Et ne crains pas que jamais les adversaires te manquent. Dans le brouillard, dans la forêt, dans le repli des montagnes affreuses, le temps est ménagé de tel qu'ils suffiront. Je ne veux pas que tu meures dans un lit, mais navré de quelques bons coups, seul, au sommet du monde, sur quelques cimes inhumaines, sous le ciel noir plein d'étoiles, sur le grand plateau d'où tous les fleuves descendent, au centre de l'épouvantable plateau que jour et nuit ravage le vent planétaire. Et nul, jamais, ne saura où le corps d'Almagro est couché. C'est toute l'Inde au sud de Lima que vous m'offrez. Elle est là qui ne fait que t'attendre. J'accepte. Tant pis pour vous. Prends ce bout de mon Amérique. Attrape-la par la queue. Je fais attention à toi. Pour toi, si tu ne veux pas m'aimer, travaille à me haïr davantage. Je ferai que tu n'en manques pas de sujet. Mais il est bien clair que nous ne pouvions refuser plus longtemps à l'imagination de nos spectateurs là-haut, tout près des cintres, cette rangée de fenêtres dans un plâtras agréablement rose ou bleu d'une maison de Gênes, transportée pour les besoins de la couleur locale à Panama. Chacune est décorée d'une ficelle où pendent des piments et des os. Au milieu, un petit balcon. L'apparence corporelle de Don Léopold Auguste est réduite à un pourpoint rattaché par des aiguillettes aux hautes choses. Cela ne l'empêche pas, tout gonflé d'air et suspendu au bout d'une canne à pêche, d'exécuter dans la bonne brise de l'après-midi une espèce de danse personnelle autant majestueuse que gaillarde. La logeuse tape sur Don Léopold Auguste avec une canne et à chaque coup, la dépouille de Don Léopold Auguste répond en émettant un petit jet de poussière. Pas, pas, pas, pas. Mais pan, pan. J'aurais jamais cru qu'il tienne autant de poussière dans un savon. Allez, pan. Mais attrape ça. Mon vieux Philippe Auguste. Non, c'est pas de chance tout de même. À peine arrivé depuis 2 jours à Panama et quick. Le temps d'enlever son chapeau pour se torcher la tête. Un trait de l'archer Apollon, comme disait monsieur le greffier de la justice de paix. Vous la couchez tout noir sur le pavé. Il y a encore un à qui la lettre de Rodrigue n'a pas porté la chance. Ben alors, pourquoi tiens-tu tant à la garder? Donne-la moi, Léopold. Mais laisse-la tomber. Tu ne veux pas? Je t'en prie. Pas, mais je t'en supplie. Il me faut absolument cette lettre pour que la pièce continue et qu'elle ne reste pas bêtement suspendue entre ciel et terre. Tu vois bien là-dessous ce monsieur et cette dame tristement qui nous attendent. Je soumets humblement ma requête à la bienveillante attention de votre magnificence. Pan, oh, mais vous direz que je n'aurai qu'à mettre la main dans Philippe Auguste pour prendre la lettre. Mais j'ose pas. Ça me porterait malheur. J'aime mieux qu'il s'en défasse naturellement et de lui-même comme prunier de sa prune. Pan. Ah, la ça y est. La lettre tombe. Encore un petit coup pour finir. Pan. La toile du fond, avec la logeuse d'abord et Don Léopold Auguste ensuite, est entraînée vers les cintres. On voit apparaître les cimes d'une vague verdouillade tropicale, puis monte, en commençant par les chapeaux auxquels succèdent les figures et les corps, enfin les images peintes dans la toile de Don Ramir et Doña Isabelle assis sur un banc, tous deux en noir. L'auditeur oublieux nous permettra de lui rappeler que Doña Isabelle, lors de la première journée, a vu son amant Don Louis s'étendu sur le carreau par Don Rodrigue. Elle a donc de solides raisons d'en vouloir à celui-ci, qui lui a fait épouser son collaborateur immédiat, Don Ramir. Le vice-roi ne m'aime plus. Et quoi? C'est au moment qu'il vient de vous donner le gouvernement du Mexique, un royaume 10 fois plus grand et plus beau que l'Espagne, avec ses mines et ses plantations, et le pétrole et cette ouverture au nord sur l'infini, que je vous entends vous plaindre. Le vice-roi ne m'aime plus. S'il m'aimait, il ne m'éloignerait pas ainsi de sa personne. N'est-ce pas vous-même qui avez demandé le Mexique? Je voulais laisser demander. Pourquoi me l'avez-vous laissé demander? Je voulais laisser demander pour voir. Pour voir quoi? Les crédits dont vous jouissiez dans l'esprit de son Altesse. Accusez bien plutôt votre disposition jalouse et tourmentée. Cette mélancolie qui vous fait taquiner et provoquer la chose même que vous redoutez le plus. Vous lui plaisez plus que moi. L'ai-je voulu? Et croyez-vous que j'ai une raison si forte de l'aimer? Quand c'est à lui que je dois d'être votre femme. J'ai droit sur vous, mais il a droit sur moi. Eh bien, je m'en vais de ce pas lui dire que vous ne voulez pas du Mexique. Cela ne servira de rien. Il ne pardonne pas dans les gens qu'il servent l'hésitation. Les gens qui, comme moi, ont eu le temps de le connaître. Il m'a rejeté, c'est fini. Il n'aime pas les gens qui se repentent. Il t'a rejeté, nous le rejetterons aussi. Il est temps de vivre par toi-même. Il y a assez longtemps que tu as été fasciné et capté par cet astre malfaisant. Ramir, je ne vous aime pas, mais je vous suis profondément associé. Nous n'irons pas au Mexique. Il ne s'agit pas de s'en aller. Il faut que lui s'en aille. Il faut que Rodrigue disparaisse, qu'il cesse absolument d'être là. La place qu'il occupait, il faut que tu la prennes. Mais quoi? Lui prendre l'Amérique? Ce serait lui enlever plus que sa femme. Que diriez-vous si lui-même l'abandonnait? Il ne nous abandonnera pas. Il est avec nous pour toujours. Je crois en lui. Mon Dieu, que neige la lettre à Rodrigue. Cette lettre que votre frère avait apportée d'Espagne. Et qu'il a remise par superstition à cet imbécile qu'un rayon de soleil a ce matin éteint. Il vaut mieux que cette lettre soit perdue. Vous redoutez l'épreuve pour votre idole. Je ne crains rien. Donnez-moi seulement la lettre à Rodrigue. Ah, la lettre tombe du ciel. Un instant, pardon, je la ramasse et je la place devant les yeux de Don Ramir. Prenez-la, madame. La voici. Mogador, une tente sur le sable au bord de l'océan. À l'intérieur, une chambre qui éclaire faiblement une lampe suspendue, des tapis par terre. Dans le fond, une tenture formée d'un voile très léger. Doña Proez est là? Elle repose et m'a défendu de la réveiller. Ouvrez cette tenture. Je veux lui rendre ce grain de son chapelet qu'elle avait perdu et que j'ai passé toute la journée à chercher. Le voici. La servante ouvre la tenture. On voit Doña Proez étendue sur une couche basse. La lampe éclaire faiblement le bras allongé et la main ouverte. Elle tend la main comme pour recevoir cette goutte d'eau que je lui rapporte. Il lui remet le grain de cristal dans la main. Comme c'est étrange. Nous sommes seuls sous cette tente. Et cependant, il me semble qu'elle est remplie d'une assistance innombrable. Ainsi, ce marabout que jadis je suis allé voir dans la classe et qui m'avait reçu dans une chambre sans lumière, je croyais être seul avec lui. Et tout à coup, pendant que je parlais, je m'aperçus que la pièce était remplie d'une foule invisible et serrée qui m'écoutait sans un son. Donc, ami est sorti silencieusement, mais peut-être cet acte charitable, bien infime, pourtant lui sera-t-il compté. Doña Prouez parle dans le sommeil. L'âme n'est-elle pas allégée dans cette espèce de mort et plus lucide que pendant la veille? J'ai retrouvé le grain perdu. Un seul grain, mais pour un grain qui manque, le lien de la prière est défait. J'ai retrouvé mon numéro perdu, ce petit caillou transparent, je le tiens fort dans ma main. Cette larme thésaurisée, ce diamant inaltérable, cette perle unique, l'eau retrouvée. Cette goutte d'eau que convoitait le mauvais riche au bout du doigt de Lazare et qui est de tout le centuple. Cette espérance avec moi, la semence du jour futur. Au fond de la Seine apparaît d'abord vague, puis plus précise, l'image bleuâtre du globe terrestre. Mais ai-je dit que je tenais cette goutte d'eau? C'est moi qui tiens en elle. Quelqu'un l'a mise dans ma main, cette perle unique, ce grain essentiel, sans quoi tout le chapelet des cieux serait défait. La terre qui dit Ave Maria, comme elle est petite entre toutes les cités de Juda, si petite, minime, si petite, entre tant de lumière, si petite qu'aucun œil sans guide ne saurait trouver Bethléem, et cependant le Fils de Dieu n'a point désiré d'autre femme pour y naître. Et c'est à cause d'elle que tout le reste a été fait. Le globe tourne lentement et l'on ne voit plus que l'océan. J'ai soif. Je sais que mon bien-aimé est au-delà de la mer. Rodrigue, je sais que nous buvons la même coupe tous les deux. Elle est cet horizon commun de notre exil. C'est elle que je vois chaque matin apparaître étincelante dans le soleil levant. Et quand je l'ai épuisée, c'est de moi, dans les ténèbres, qu'il la reçoit à son tour. Le globe tourne encore et l'on voit à l'horizon, sur l'extrême courbure, apparaître la longue ligne sinueuse de l'isthme de Panama, derrière lequel commencent à briller les eaux d'un autre océan. Entre les deux mers, à l'horizon de l'ouest, là où la barrière est plus mince entre ces deux masses d'un continent par le milieu qui le sépare, c'est là que tu t'es établi. Là est la porte qu'on t'a donnée à ouvrir. De nouveau, il n'y a plus que l'océan. La mer, libre. Où est-ce? Rodrigue, c'est moi, Rodrigue, je suis là, j'ai entendu, j'entends. Où est-ce? Pourquoi me retenir sur ce seuil à demi rompu? Pourquoi vouloir m'interdire cette porte que tu as toi-même ouverte? Comment t'empêcher qu'on vienne me prendre de l'autre côté de cette barrière enfoncée? Ce n'est pas la mer dans le brouillard. Ce sont les armées de Dieu, d'un mouvement innombrable qui s'avancent à ma rencontre. Ne retiens plus sur ce seuil entrouvert cette femme admirompue. Je n'entends plus rien. Le globe tourne encore. On voit apparaître à l'horizon le groupe des îles du Japon. Quelles sont ces îles là-bas, pareilles à des nuages? J'entends la mer sans fin qui brise sur ses rivages éternels. Et par-dessus les montagnes et les forêts, il y a un grand ange blanc qui regarde la mer. La grande île du Japon peu à peu s'anime et prend la forme d'un de ces gardiens en armure sombre que l'on voit à Nara. Ne me reconnais-tu pas? Je ne sais. Je ne vois qu'une forme incertaine, comme une ombre dans le brouillard. C'était moi. J'étais là, je ne t'ai jamais quitté. Ton ange gardien. Crois-tu pour de bon que tu étais sans moi jusqu'à présent? Il y avait une continuité entre nous. Tu me touchais. Ainsi, quand vient l'automne, comme il fait chaud encore, l'air est bleu L'hirondelle partout trouve une pâture abondante. Et cependant, comment le sait-elle? Le temps est venu. Rien ne l'empêchera de partir. Il le faut. Elle part, bravant la mer. Elle n'est pas embarrassée de la direction. Et de même, dans la conversation, quelqu'un qui est tout entraîné et saisi par la conversation, s'il entend un violon quelque part ou simplement deux ou trois fois de suite ses coups qu'on tape sur un morceau de bois, peu à peu il se tait. Il est interrompu, il est ailleurs, comme on dit. Il prête l'oreille. Et toi-même, dis-moi s'il est bien vrai que tu ne l'aies jamais ressenti au fond de toi-même, entre le cœur et le foie, ce coup sourd, cet arrêt net, cette touchée urgente. Je ne les connais que trop. C'était mon hameçon au fond de ses entrailles. Et moi, je réglais le fil comme un pêcheur longanime. Voilà, autour de mon poignet enroulé, il n'en reste plus que quelques brasses. Il est donc vrai que je vais mourir? Et qui sait si tu n'es pas morte déjà? D'où te viendrait autrement cette indifférence au lieu, cette impuissance au poids? Si près de la frontière, qui sait de quel côté il est en mon pouvoir de te faire à mon gré par jeu passer et repasser? Pourquoi te joues-tu de moi cruellement? Et si tu ne m'amènes au bord, ne me rends-tu pas la liberté? Mais quoi? Si tu n'étais pas seulement une prise pour moi, mais une amorce. Rodrigue, c'est avec moi que tu veux le capturer? C'est orgueilleux. Il n'y avait pas d'autre moyen de lui faire comprendre le prochain, de le lui entrer dans la chair. Il n'y avait pas d'autre moyen de lui faire comprendre la dépendance, la nécessité et le besoin. Un autre sur lui, la loi sur lui de cet être différent pour aucune autre raison si ce n'est qu'il existe. Mais quoi? Ainsi c'était permis, cet amour des créatures l'une pour l'autre. Il est donc vrai que Dieu n'en est pas jaloux, l'homme entre les bras de la femme. Comment serait-il jaloux de ce qu'il a fait? Et comme aurait-il rien fait qui ne lui serve? Mais l'homme entre les bras de la femme oublie Dieu. Est-ce l'oublier que d'être avec lui? Est-ce ailleurs qu'avec lui d'être associé au mystère de sa création, franchissant de nouveau pour un instant l'Éden par la porte de l'humiliation et de la mort? L'amour hors du sacrement n'est-il pas le péché? Même le péché. Le péché aussi sert. Ainsi, il était bon qu'il m'aime. Il était bon que tu lui apprennes le désir. Le désir d'une illusion, d'une ombre qui pour toujours lui échappe. Ouais, ma sœur, l'enfant de Dieu existe. Mais à quoi sert-il d'exister si je n'existe pour Rodrigue? Mais comment Prouesse existerait-elle autrement que pour Rodrigue, quand c'est par lui qu'elle existe? Frère, je ne t'entends pas. C'est en lui que tu étais nécessaire. Oh, parole douce à entendre. Laisse-moi la répéter après toi. Et quoi? Je lui étais nécessaire. Non point cette vilaine et disgracieuse créature au bout de ma ligne. Non point ce triste poisson. Laquelle alors? Prouesse, ma sœur, cet enfant de Dieu dans la lumière que je salue. Cette prouesse que voient les anges, c'est celle-là, sans le savoir, qu'ils regardent. C'est celle-là que tu as à faire afin de la lui donner. Et ce sera la même prouesse. Une prouesse toujours que ne détruit pas la mort. Toujours belle. Une prouesse toujours belle. Il m'aimera toujours. Ce qui te rend si belle ne peut mourir. Ce qui fait qu'il t'aime ne peut mourir. Je serai à lui pour toujours, dans mon âme et dans mon corps. Il nous faut laisser le corps en arrière, quelque peu. Et quoi? Il ne connaîtra pas ce goût que j'ai. C'est l'âme qui fait le corps. Mais comment donc l'a-t-elle fait mortelle? C'est le péché qui l'a fait mortelle. C'était beau d'être pour lui une femme. Et moi, je ferai de toi une étoile. Une étoile? Oh, c'est le nom dont il m'appelle toujours dans la nuit. Et mon cœur tressaillait profondément de l'entendre. N'as-tu donc pas toujours été une étoile pour lui? Séparée. Conductrice. La voici qui s'éteint sur la terre. Je la rallumerai dans le ciel. Comment brillerai-je, qui suis aveugle? Dieu soufflera sur toi. Je ne suis qu'un tison sous la cendre. Mais moi, je ferai de toi une étoile flamboyante dans le souffle du Saint-Esprit. Adieu donc ici-bas. Adieu. Adieu, mon bien-aimé. Rodrigue. Rodrigue, là-bas. Adieu pour toujours. Pourquoi adieu? Pourquoi là-bas? Quand tu seras plus près de lui que tu ne l'es à présent, associé de l'autre côté du voile à cette cause qui le fait vivre. Il cherche et ne me trouvera plus. Mais comment te trouverait-il au dehors, alors que tu n'es plus autre part que dedans son cœur lui-même? Tu dis vrai? C'est bien là que je serai. Cet hameçon dans son cœur, profondément enfoncé. Il me désirera toujours. Pour un L'intelligence suffit. C'est l'esprit qui parle purement à l'esprit. Mais pour les autres, il faut que la chair aussi, peu à peu, soit évangélisée et convertie. Et quelle chair pour parler à l'homme plus puissante que celle de la femme? Maintenant, il ne pourra plus te désirer sans désirer en même temps où tu es. Mais est-ce que le ciel jamais lui sera aussi désirable que moi? D'une pareille sottise, tu seras puni à l'instant. Ah, oh, frère, fais-moi durer encore cette seconde. Salut, ma sœur bien-aimée. Bienvenue, prouesse, dans la flamme. Et connais-tu à présent ces eaux où je voulais te conduire? Ah, je n'en ai pas assez encore. Rends-la-moi donc enfin, cette eau où je fus baptisée. La voici de toutes parts, qui te baigne et te pénètre. Elle me baigne, et je n'y puis goûter. C'est un rayon qui me perce, c'est un glaive qui me divise. C'est le fer rouge effroyablement appliqué sur le nerf même de la vie. C'est l'effervescence de la source qui s'empare de tous mes éléments pour les dissoudre et les recomposer. C'est le néant à chaque moment où je sombre. Et Dieu sur ma bouche qui me ressuscite est supérieur à toutes les délices. Ah, c'est l'attraction impitoyable de la soif, l'abomination de cette soif affreuse qui m'ouvre et me crucifie. Demandes-tu que je te rende à l'ancienne vie? Non, oh non, ne me sépare plus à jamais de ces flammes désirées. Il faut que je leur donne à fondre et à dévorer cette carapace affreuse. Il faut que mes liens brûlent. Il faut que je leur tienne à détruire toute mon affreuse cuirasse, tout cela que Dieu n'a pas fait, tout ce roi de bois d'illusion et de péché, cette idole, cette abominable poupée que j'ai fabriquée à la place de l'image vivante de Dieu dont ma chair portait le sceau emprunt. Et sœur Rodrigue, où crois-tu que tu lui sois le plus utile? Ici-bas ou dans ce lieu maintenant que tu connais? Non, laisse-moi ici, ne me retire pas encore. Pendant qu'il achève en ce lieu obscur sa course, laisse-moi me consumer pour lui comme une cire au pied de la Vierge et qu'il sente sur son front de temps en temps tomber une goutte de cette huile ardente. C'est assez. Le temps n'est pas encore venu tout à fait pour toi de franchir la sainte frontière. Maintenant, je vois ton visage, qu'il est sévère et menaçant. Tu en connaîtras un autre plus tard. Celui-ci convient à ce lieu de justice et de pénitence. C'est pénitence que Rodrigue va faire, lui aussi. Les voies directes de Dieu, le temps est venu pour lui qu'il commence à les fouler. C'est moi qui dois lui en ouvrir le seuil? Ce qu'il désire ne peut être à la fois au ciel et sur la terre. Qu'attends-tu pour me faire mourir? J'attends que tu consentes. Je consens, j'ai consenti. Mais comment peux-tu consentir à me donner ce qui n'est pas à toi? Mon âme n'est plus à moi. Ne l'as-tu pas donné à Rodrigue dans la nuit? Il faut donc lui dire de me la rapporter. C'est de lui que tu dois recevoir permission. Laisse-moi, mon bien-aimé. Laisse-moi partir. Laisse-moi devenir une étoile. Et cette mort qui fera de toi une étoile, consens-tu à la recevoir de sa main? Ah, je remercie Dieu. Viens, cher Rodrigue, je suis prête. Sur cette chose qui est à toi, lève ta main meurtrière. Sacrifie cette chose qui est à toi. Mourir, mourir par toi, mais d'où? Maintenant, je n'ai plus rien à te dire. Sinon, au revoir, adieu. J'ai fini ma tâche avec toi. Au revoir, sœur chérie, dans la lumière éternelle. Ne me laisse pas encore. Aigle divin, prends-moi pour un moment dans tes serres. Élève-moi, le temps de compter un. Le rond complet autour de nos deux existences, laisse-moi le voir. Le chemin qu'il a à suivre, laisse-moi le rouler autour de mon bras afin qu'il n'efface pas un pas auquel je ne sois attaché et que je ne sois au bout et qu'il ne le conduise vers moi. Quelle est cette pierre que tu me montres dans ta main? La pierre sur laquelle tout à l'heure son bateau va s'ouvrir. Il échappe seul. La tête blanche d'écume, il aborde cette terre inconnue. Mais qu'importe le naufrage? Il est arrivé. Ce n'est pas un monde nouveau qu'il s'agissait de découvrir. C'est l'ancien qui était perdu qu'il s'agissait de retrouver. Il a mis dessus l'empreinte de son pied et de sa main. Il a achevé l'entreprise de Colomb. Il a exécuté la grande promesse de Colomb. Car ce que Colomb avait promis au roi d'Espagne, ce n'est pas un quartier nouveau de l'univers. C'est la réunion de la terre. C'est l'ambassade vers ces peuples que vous sentiez dans votre dos. C'est le bruit des pieds de l'homme dans la région antérieure au matin. Ce sont les passages du soleil. Il apporte avec lui assez de péché pour comprendre leurs ténèbres. Dieu lui a montré assez de joie pour qu'ils comprennent leur désespoir. Ce néant au bord duquel ils sont depuis si longtemps assis, ce vide laissé par l'absence de l'être où se joue le reflet du ciel, il fallait leur apporter Dieu pour qu'ils comprennent tout à fait. Ce n'est pas Rodrigue qui apporte Dieu, mais il faut qu'il vienne pour que le manque de Dieu où sont assises ces multitudes soit regardé. Oh Marie, reine du ciel, autour de qui s'enroule tout le chapelet d'esqueux, ayez pitié de ces peuples qui attendent. L'ange gardien rentre dans la terre, qui se rétrécit et devient pas plus grosse qu'une tête d'épingle. Tout est rempli par le ciel fourmillant, au travers duquel se dessine l'image gigantesque de l'Immaculée Conception. Une chambre dans le palais du vice-roi à Panama. C'est une vaste pièce au mur un peu moisi. Une partie du plafond est tombée et laisse voir les lattes. Il y a encore du plâtre par terre. Meubles en désordre, les uns magnifiques, les autres d'un luxe criard où tout est clopé. Par une porte ouverte dans un angle, on voit une chapelle garnie de porcelaine bleue et de bois doré sculpté dans le goût emphatique et chargé de l'époque. Une lampe brûle l'après-midi, fait humide et chaud, ciel pluvieux. Par les fenêtres, on voit le Pacifique, couleur d'écailles de moule. Le vice-roi dans un fauteuil. Le secrétaire, dont Rodilard, près de lui, devant une table chargée de papiers, minutant avec application. Sur un tabouret, Doña Isabelle, en costume assez négligé, tenant une guitare et assise sur son pied. Si Don Rodrigue se plaît dans la présence de Doña Isabelle, c'est que sa voix, quand elle chante, lui rappelle une autre voix infiniment lointaine. Et Isabelle, messagère méchante et providentielle, lui remettra la fameuse lettre à Rodrigue qui voyage depuis 10 ans. Cet orchestre est bien mauvais. Je ne comprends pas que votre Altesse puisse le tolérer. S'il était meilleur, j'entendrais ce qu'il joue. Et ce serait tellement ennuyeux. Mais pas d'à moi, à toute chose, je ne prise que la perfection. Bon, Rodilard. Madame. Ah, oh, que vous seriez gentil de nous donner connaissance de ces poésies, de votre façon dont vous faites quelquefois, m'a-t-on dit, lecture à vos amis. 6 vins fardes de quinquina, 202 boîtes de campèche. Les syllabes sont comptées si justes, les rimes si exactement pesées, mesurées et ajustées, qu'un seul grain de tabac ferait chavirer la fragile merveille. Pour moi, un poème parfait est comme un vase bouché. Je sais que votre Altesse adore les comparaisons. Qui me suggère cet autre? Un morceau de jade cassé vaut mieux qu'une tuile entière. C'est une sentence chinoise. Je suppose que ce sont ces pêcheurs que notre galère de police a ramassé l'autre jour près de l'île aux tortues qui vous l'ont apporté. Non, pas chinois, ce sont des japonais. Rappelez-moi donc cette chanson qu'ils chantaient tous ensemble et que j'aimais tant. Sur la plaine de l'océan, vers les quatre vasiles, je m'avance en ramant. Ah, moi aussi sur la plaine de l'océan, vers les 80 îles, quand est-ce que je me mettrai en route? Toi, monseigneur, seriez-vous là de votre Amérique? Je ne sais si votre Altesse s'est aperçue à quel point cette dame ici présente était prise de nous. Une complaisance du cœur, un tendre sentiment. Est-ce Don Rodrigue qu'elle aime? Est-ce le vice-roi? Pas moyen de le savoir. On intéresse facilement ces dames un peu fortes qui commencent à prendre de l'âge. Un peu fortes, mais encore jolies. Non, non, mon cher amour. vous ai pas oublié. Ah, je savais bien que je saurais trouver le mot qui fait que votre cœur ferait ça. Oublié. Vous ne trouverez son cœur que par la porte du souvenir. Pour me faire entendre, il suffit que je prenne la voix d'une autre. Achevez, je veux entendre la suite. J'ai oublié. Depuis que tu n'es plus avec moi, je me suis oubliée moi-même. J'aime la manière dont chante notre Isabelle. Ce ne sont pas des notes sur des lignes. Ainsi dans la forêt chante cet oiseau qu'on appelle Rialejo. Quand je suis avec d'autres, je ne chante pas de la même manière. Pourquoi me forcer, Monseigneur, à trébucher sur ces chemins obscurs? Oubliez. Il faudrait quelque chose comme « Maintenant que tu m'as laissé sortir », mais c'est de la fichue prosodie. « Mais qui prendra soin de ton âme, maintenant que je n'y suis plus, maintenant que je ne suis plus ?» Qui prendra soin de ton âme maintenant que je ne suis plus avec toi pour toujours, pour toujours, maintenant que je ne suis plus avec toi pour toujours. Il n'y avait qu'un mot à dire pour que je reste pour toujours avec toi. Pour toujours avec toi. Pour toujours avec toi. Mais ce mot, qui sait si elle ne l'a pas dit? Son Altesse, probablement, n'a jamais entendu parler de la lettre à Rodrigue. Il n'y a pas de lettre à Rodrigue. Il y a une lettre à Rodrigue. Et là-bas, derrière nous, de l'autre côté de la mer, il y a une femme qui attend depuis 10 ans la réponse. De la nuit où je repose solitaire, jusqu'au lever du jour, combien le temps est long, combien les heures sont longues. Le sais-tu, le sais-tu? Son Altesse me permettra peut-être de répondre à sa place, qu'elle le sait. Isabelle, où est cette lettre? Là, sur cette table. Je l'ai remise à votre secrétaire. Votre Altesse m'excusera, je pensais à lui remettre dans un moment, une fois la signature terminée. Donne-moi la lettre. C'est bien mon nom, c'est bien son écriture. Trouée il y a 10 ans. Oh, je ne peux pas lire. À Mogador, une tente au bord de la mer, tapis l'un sur l'autre étendu, impression d'une grande lumière et d'une grande chaleur au dehors. Don Camille, en grand burnous arabe, tenant à la main le petit chapelet mahométan, Doña Prouez, admis couché sur un divan, aussi en vêtements arabes. Le renégat Don Camille va essayer sur Doña Prouez la suprême tentation Mais peut-être est-ce l'obsession de Dieu qu'il a perdue qui explique son blasphème, et il sera peut-être sauvé à la fin. Il ne tiendrait qu'à moi de prendre ce petit pied nu. Il est à vous, comme le reste. N'ai-je pas l'honneur d'être votre épouse? J'ai juré de ne plus vous toucher. J'ai cédé à votre indifférence insultante. Il ne manque pas de femme pour moi, là-haut, dans ce poulailler que l'Afrique et la mer approvisionnent. Je suis flatté de la préférence pour le moment que vous m'accordez. Avouez que si je n'étais pas là, qui vous regarde, il vous manquerait quelque chose. Il est vrai que je suis habitué à ces yeux moqueurs et douloureux qui passent de mon visage à mes mains. Mais à cette question dévorante. Que d'agréables après-midi nous avons passé ainsi ensemble, sans aucune parole. Pourquoi m'avoir épousé? Les troupes m'avaient trahi. N'étais-je pas en votre pouvoir? Mon mari était mort. Comment n'aurions-nous pas profité de l'occasion de ce brave petit franciscain que nous venions de capturer? C'est moi qui suis en votre pouvoir. Encore ce sourire câlin et faux sur votre visage brun. Ce sourire que madame votre mère aimait et détestait. Et qui, moi aussi, me fait un peu mal au cœur. Mais c'est vrai que je suis en votre pouvoir. C'est vrai à moitié. Naturellement, si je n'avais pas été sûr d'un certain pouvoir sur vous, pourquoi vous aurais-je épousé? Le roi ne m'a pas relevé de cette charge qu'il m'a confiée, donc amie sur la côte d'Afrique. C'est moi ici qui vous empêche de faire tout le mal que vous voudriez. Est-il vrai? M'arrive-t-il souvent de demander votre précieux conseil, madame? Vous l'aurais-je accordé? Il n'y a pas besoin de parole entre nous. Vous devinez tout. Il n'y a pas une de vos actions où je sois absente et qui ne soit faite à dessein ou de me plaire à votre manière sournoise ou de me faire de la peine. Et alors, comme je suis sûre de vous voir accourir aussitôt, quel regard avide! Dites si vous me trouvâtes jamais en défaut. Je lis en vous et vous n'obtenez rien de moi. Il y a une chose du moins que je puis faire, qui est de vous faire fouetter. Mon corps est en votre pouvoir, mais votre âme est dans le mien. Quand vous me tordez l'âme, n'ai-je pas le droit de torturer un peu votre corps? L'important est que vous fassiez ce que je veux. Et depuis 10 ans, oui, mis à part de temps en temps ces mouvements ridicules de votre humeur sauvage, en gros, je n'ai pas de reproches à vous faire. Et je crois que le roi est content. Quel bonheur! Ainsi, pour lui rendre service, il a suffi que je cesse de lui obéir. Moi, il n'était pas aussi facile de cesser de m'obéir. Quelqu'un toujours présent, il n'est pas si facile de l'oublier. Mais qui sait si bientôt cette grossière présence corporelle vous sera encore possible? Si c'est la mort que vous m'annoncez en ces termes élégants, il n'y a pas besoin de périphrase. Je suis prête. L'idée, grâce à vous, n'est jamais tant éloignée de mon esprit qu'un cri d'oiseau, le bruit d'une pièce d'argenterie qui tombe. Un mot blanc que l'on écrit par terre avec le doigt, un grain d'encens qui se consume, ne suffisent à me donner avertissement. Recevez-le de ma bouche. Je l'ai déjà reçu cette nuit d'un autre. Votre visiteur habituel, sans doute, est le père de mon enfant. Qui viendrait me visiter, solitaire, au fond de ma prison? Rodrigue, la nuit, chaque nuit, que ni les murs ni la mer ne suffisent à m'empêcher. Mais vous seul, Lochiali, vous le savez, m'avez infligé votre grossière présence corporelle. Mais je sais que lui seul est le père de cette fille que je vous ai faite et qui ne ressemble qu'à lui. Est-il vrai? Que sur ta tête, enfant chéri, descendons notre triple héritage. Le mien également. Vous ne doutez pas, prouesse, que je ne vous accompagne où vous allez. Que pensez-vous vous-même? Je pense que la lettre à Rodrigue ne va pas errer éternellement sans qu'un jour elle touche son destinataire. Cet appel, quand un moment de désespoir, j'ai jeté les yeux fermés dans la mer. Il y a 10 ans qu'elle court des Flandres à la Chine et de la Pologne à l'Éthiopie. Plusieurs fois même, je sais qu'elle est repassée à Mogador. Mais à la fin, j'ai lieu de croire que Rodrigue enfin l'a reçue et qu'il se prépare à y répondre. Fin de Don Camille, cacha Diablo et de son petit royaume en Afrique. Fin de prouesse et de sa petite capitainerie en enfer. C'est fini de cet arbitrage subtil et de cet équilibre délicat entre le roi et le sultan, entre la chrétienté et l'Afrique. Et en Afrique même, tous ces princes, caïds, marabouts, rogues, bâtards et renégats. Vous au milieu, faisant la banque et vendant de la poudre. Et tout à coup, au point choisi, intervenant comme la foudre, ces grands plans que vous m'expliquiez. Déjà avant que vous m'ayez accordé l'honneur de cet entretien, ils commençaient à perdre leur intérêt. Et que je me reçoive des nouvelles de cette ligne de cocotiers, de sable blanc et d'écume, qui au-delà de la mer fait à l'Espagne une frontière invisible, déjà cette sensibilité à l'équilibre, qui toujours fit ma petite spécialité, cette espèce de compensation à la cardan, comme pour les compas de navire, qui est une tête bien faite. L'œil qui voit de haut en bas et les oreilles qui, à droite et à gauche, entendent. Elle ne sert plus à la seconde critique en moi à déclencher l'imperceptible dent de l'acte, cette décision entre des forces opposées où la rapidité doit suppléer à la masse. Le désir en moi peu à peu cède la place à la curiosité. Et cette curiosité elle-même est sourdement compromise. Les gens se défient de moi, ils ont cessé de me comprendre. Il y a même un tas d'imbéciles qui ont commencé à comploter grossièrement contre moi, ici même et hors des portes. On m'en donne des nouvelles de temps en temps, mais rien ne peut rompre le charme de cette demi-heure d'attente. Tous ces Turcs, le sabre levé, et moi, à vos pieds, égrenant mon chapelet sous les palmes. Cela constitue une espèce de tableau vivant pour le plaisir des spectateurs arrêtés par la baguette d'un magicien. Ainsi, toutes ces choses autour de nous qui font semblant d'être présentes, à dire vrai, elles sont passées. Ne sens-tu pas à quel point toi et moi, déjà, nous en sommes mystérieusement disjoints? Je n'aime pas beaucoup toi et moi. Une rine nous est commune, niquée sur la mer qui bientôt va me guérir de ce toi, ma rose, pour toujours. Si vous leviez les yeux sur moi, j'y lirais d'autres paroles. Pourquoi lever les yeux, quand je sais d'avance ce que je lirai dans les vôtres? Cela vaut la peine de regarder cette unique portion de l'univers encore qui soit capable de vous intéresser. Ce petit pied de nuit me suffit. Adieu, Seigneur. Je retire mon pied. Quelqu'un est venu me chercher et je suis libre. Moi, je suis libre aussi. Je suis contente d'être libre, mais je n'aime pas cette idée que vous le soyez également. Tant que j'étais vivante, j'ai toujours senti que vous n'aviez pas le droit d'être libre. La mort est venue vous relever. Je ne sais pas. Je suis inquiète de vous laisser. Et qui sait si mon corps ne vous a pas communiqué de moi un tel secret que mon âme elle-même ignore. Il est vrai. Vous n'avez pu empêcher que nous fassions une certaine alliance ensemble et que nous continuions malgré vous sourdement à correspondre. Bientôt, je n'aurai plus de corps. Mais votre religion dit que vous conservez avec vous tout ce qu'il faut pour le revégéter. Là, votre pouvoir s'arrête. En êtes-vous si sûr? Est-ce en vain que depuis 10 ans, je vous oblige à vivre dans l'habitude que mon opposition vous imposait? Avez-vous la pertinence de penser qu'il y avait en moi quelque chose qui fut fait spécialement pour vous? Vous serez autrement le pouvoir qui me retient à vos pieds et qui depuis 10 ans m'oblige à écouter ce cœur en vous qui bat. Un autre l'occupe. Il occupe votre pensée, mais non point ce cœur occupé à chaque seconde à vous faire. Ce cœur qui vous fait, ce n'est point Rodrigue qui l'a fait. Il était fait pour lui. J'écoute bien. Mais ce n'est point ce que me dit cette chose en vous plus ancienne que vous qui bat ce battement depuis la création du monde que vous avez hérité d'un autre. Il ne prononce aucun nom mortel. Je sais qu'il commence en moi un nom que Rodrigue avec moi de l'autre côté de la mer achève. Je dis plutôt qu'il vous aide à étouffer cet esprit en vous qui soupire. N'est-ce pas Rodrigue par qui je suis ici avec vous et qui m'a appris à sacrifier le monde entier? Il suffit à le remplacer. Lui-même. N'ai-je pas renoncé à lui en ce monde? Afin de mieux dans l'autre le posséder. Resterai-je sans récompense? Ah! J'attendais ce mot. Les chrétiens n'en ont pas d'autre à la bouche. Tant mieux s'il me sert à écraser celle d'un renégat. Dites-moi, vous qui êtes resté de la maison, j'ai toujours été curieux de savoir l'effet qu'a produit ma brillante sortie et si j'ai vraiment réussi à faire de la peine au vieux propriétaire. Celui qui est la cause de toute joie, on ne peut lui infliger aucune peine. Dodo, vous parlez comme un petit Sansonnet qui répète l'air qu'on lui siffle. Moi, je crois autre chose. Tâchez de suivre mon raisonnement. Au secours, mes souvenirs d'école. L'agissant. Oui, c'est là le mot que je cherchais. Tout ce qui est contre le vœu de l'agissant inflige à cet agissant une souffrance conforme à sa nature. Si je tape un mur, je me fais mal. Et si je tape avec une grande force, je me fais un grand mal. Il est vrai. Et si je tape avec une force infinie, je me fais un mal infini. Ainsi, moi, fini. Si je tiens un bon, j'arrête la toute-puissance. L'infini souffre en moi. Limite et résistance. Je lui impose ça contre sa nature. Je puis être la cause en lui d'un mal et d'une souffrance infinie. Une passion telle qu'il a pu arracher le fils du sein du père, selon ce que vous autres chrétiens nous dites. Nous disons grâce, gratuite et non point arrachée, bonté et non point souffrance. Dites ce que vous voudrez, que fera-t-il si moi je ne veux point de cette bonté? Dieu ne se soucie point de l'apostat, il est perdu, il est comme s'il n'était pas. Et moi je dis que le Créateur ne peut lâcher sa créature. Si elle souffre, il souffre en même temps. C'est lui qui fait en elle ce qui souffre. Il est en mon pouvoir d'empêcher cette figure qu'il voulait faire de moi, en qui je sais que je ne puis être remplacé. Si vous pensez que toute créature est à jamais irremplaçable par une autre, vous comprendrez qu'en nous, il est en notre pouvoir de priver le sympathique artiste d'une œuvre irremplaçable, une parcelle de lui-même. Ah, je sais qu'il y aura toujours cette épine dans son cœur. J'ai trouvé ce passage jusqu'au plus profond de son être. Je suis la brebis bien perdue, que les 100 autres à jamais ne suffisent pas à compenser. Je souffre de lui dans le fini, mais lui souffre de moi dans l'infini et pour l'éternité. Cette pensée me console en cette Afrique à quoi je suis condamné. Quelle affreuse méchanceté. Méchanceté ou non, j'ai affaire à quelqu'un de difficile et de moins simple que vous pensez. Je n'ai pas davantage à perdre. J'occupe une forte position. Je détiens quelque chose d'essentiel. On a besoin de moi. Je suis ici. Je suis en position de le priver de quelque chose d'essentiel. Beaucoup d'admirateurs ignorants qui ne savent que dire amen à tout ne veulent pas un critique éclairé. Si Dieu a besoin de vous, ne croyez-vous pas que vous aussi, de votre côté, ayez besoin de lui? J'ai nourri quelque temps, en effet, cette prudente et salutaire pensée. Le vieillard dangereux que nous racontent les prêtres, pourquoi ne pas nous mettre bien avec lui? Ça ne coûte pas grand-chose, il est si peu gênant et il tient si peu de place. Un coup de chapeau, il voilà content. Quelques égards extérieurs, quelques cajoleries, qui ne trouvent jamais les vieillards insensibles. Au fond, nous savons qu'il est aveugle et un peu gâteux. Il est plus facile de le mettre de notre côté et de nous servir de lui pour soutenir nos petits arrangements confortables. Patrie, famille, propriété, la richesse pour les riches, la gale pour les galeux, peu pour les gens de peu et rien du tout pour les hommes de rien. À nous le profit, à lui l'honneur. Un honneur que nous partageons. Horreur de vous entendre blasphémer. J'oubliais! Un bel amant pour les femmes amoureuses en ce monde ou dans l'autre. L'éternité bienheureuse dont nous parle l'écuré n'étant là que pour donner aux femmes vertueuses dans l'autre monde les plaisirs que les autres s'adjugent en celui-ci. Est-ce encore moi qui blasphème? Toutes ces choses grossières dont vous vous moquez, tout de même cela est capable de brûler sur le cœur de l'homme et de devenir de la prière. Avec quoi voulez-vous que je prie? Tout ce qui nous manque, c'est cela qui nous sert à demander. Le saint prie avec son espérance et le pécheur avec son péché. Et moi je n'ai absolument rien à demander. Je crois, avec l'Afrique et Mahomet, que Dieu existe. Le prophète Mahomet est venu pour nous dire qu'il suffit pour l'éternité que Dieu existe. Je désire qu'il reste Dieu. Je ne désire pas qu'il prenne aucun déguisement. Pourquoi a-t-il si mauvaise opinion de nous? Pourquoi croit-il qu'il ne peut nous gagner que par des cadeaux? Et qu'il a besoin de changer son visage afin de se faire reconnaître de nous? Cela me fait de la peine de le voir ainsi s'abaisser et nous faire des avances. Vous vous rappelez cette histoire du ministre qui se met en tête d'assister à la noce de son garçon de bureau et qui ne réussit qu'à causer la consternation générale? Qu'il reste Dieu et qu'il nous laisse à nous notre néant. Car si nous cessons d'être intégralement le néant, qui est-ce qui prendra notre place pour attester intégralement que Dieu existe? Lui à sa place et nous à la nôtre, pour toujours. L'amour veut qu'il n'y ait pas deux places, mais une seule. La chose. Par quoi il est ce qu'il est, puisqu'il ne peut pas nous la donner. Qu'il nous laisse donc où nous sommes. Je n'ai pas besoin du reste. Je ne peux pas devenir Dieu, et il ne peut pas devenir homme. Je n'ai pas plaisir à le voir sous notre apparence corporelle. Notre corps est ce qu'il est, mais qui ne serait froissé de voir notre honnête vêtement de travail devenir sur le dos d'un autre un déguisement? Ce qui a été cloué sur la croix n'était pas un déguisement. Cette union qu'il a contractée avec la femme était vraie. Ce néant qu'il est allé rechercher jusque dans le sein de la femme. Ainsi, c'est le néant que Dieu a désiré au sein de la femme? De quoi d'autre manquait-il? Et ce néant même, depuis lors, ainsi vous dites qu'il n'est pas à nous et qu'il ne nous appartient pas? Il ne nous appartient que pour faire exister par l'aveu que nous en faisons davantage celui qui est. La prière n'est donc pas autre chose qu'un aveu de notre néant? Non, pas un aveu seulement, mais un état de néant. Quand je disais tout à l'heure, je suis le néant, je faisais donc une prière? Vous faisiez le contraire, puisque la seule chose dont Dieu manque, vous vouliez la garder pour vous, la préférant à ce qui est, vous reposant sur votre différence essentielle. Ainsi, peu à peu, comme un habile pécheur, je vous ai amené où je voulais. Quoi parlez-vous de pécheur? Un pécheur? Un pécheur d'homme? Il me semble qu'on m'en a montré déjà un. Ouais, quand vous priez, êtes-vous tout à Dieu? Et quand vous lui offrez ce cœur tout rempli de Rodrigue, quelle place lui reste-t-il? Il suffit de ne point faire le mal. Dieu demande-t-il que pour lui nous renoncions à toutes nos affections? Faible réponse. Il y a les affections que Dieu a permises et qui sont une part de sa volonté. Mais Rodrigue, dans votre cœur, n'est aucunement effet de sa volonté, mais de la vôtre. Cette passion en vous. La passion est unie à la croix. Quelle croix? Rodrigue, qui est pour toujours cette croix à laquelle je suis attaché. Et pourquoi donc ne lui laissez-vous pas achever son œuvre? Ne revient-il pas du bout du monde pour l'achever? Mais vous n'acceptez la mort de sa main que pour rendre par là votre âme de lui plus proche. Tout ce qui en moi est capable de souffrir, la croix, ne le lui ai-je pas abandonné? Mais la croix ne sera satisfaite que quand elle aura tout ce qui en vous n'est pas la volonté de Dieu. Ah, parole effrayante. Non, je ne renoncerai pas à Rodrigue. Mais alors, je suis damné? Car mon âme ne peut être rachetée que par la vôtre. Et c'est à cette condition seulement que je vous la donnerai. Non, non, je ne renoncerai pas à Rodrigue. Mourrez donc par ce Christ en vous étouffant qui m'appelle avec un cri terrible et que vous refusez de me donner. Non, je ne renoncerai pas à Rodrigue. Rouel, je crois en vous, Rouel, je meurs de soif. Ah, cesse d'être une femme et laisse-moi voir sur ton visage enfin ce Dieu que tu es impuissante à contenir et à tendre au fond de votre cœur cette eau. Mon Dieu vous a fait le vase. Non, je ne renoncerai pas, Rodrigue. Mais d'où viendrait autrement cette lumière sur votre visage? Don Rodrigue, laissant à sa place Don Ramir, qui recevra tout le mérite de ses entreprises, Don Rodrigue a abandonné l'Amérique sans aucun ordre du roi d'Espagne pour répondre enfin à la lettre de Prouesse. Le voici devant Mogador, où Camille est assiégée par des mutins. Mais une fois de plus, le bateau de Rodrigue demeure immobile au large de la petite place forte. Don Camille lui envoie un émissaire dans une barque prouaise elle-même avec sa petite fille, Doña Setépé. Nous voici maintenant sur le pont du vaisseau amiral. Rodrigue est assis sur un grand fauteuil doré. Autour de lui, les commandants du bateau et les principaux officiers. L'envoyé du commandant de Mogador est là. On le fasse entrer. Vous êtes l'envoyé du sieur Ocali? Sa femme et son envoyé. Voici mes pouvoirs. Je vous écoute. Dois-je parler ainsi devant toute cette assemblée? Je veux que toute la flotte entende. Allez-vous-en, et donc Camille conserve Mogador. Vous avez pu voir tout à l'heure comment nous sommes encore capables de nous défendre, et nous avons parmi les assaillants des intelligences. Il m'importe fort peu que donc Camille, comme vous l'appelez, Ocali, ou quel que soit son nom de renégat, conserve Mogador. Gentilshommes, je vous prie d'écouter ce que va répondre votre général. Je vous demande, est-ce par la volonté du roi d'Espagne que vous êtes ici? Une lettre m'a fait venir, un appel, une volonté à laquelle je n'avais rien à contreposer. Vous l'avez entendu tard. Dès qu'il m'a eu atteint, j'ai tout quitté, je suis là. Ainsi, vous préférez l'appel d'une femme au service de votre souverain? Pourquoi ne ferais-je pas la guerre à mes propres enseignes quelque peu, tel cet autre Rodrigue, mon patron, qu'on appelait le Cid? Ainsi, c'est pour nous faire cette guerre particulière que vous avez lâché les Indes. Pourquoi n'aurais-je pas fait rentrer le Maroc dans cette nouvelle figure des événements que votre appel, achevant l'aspect et moment général de l'univers comme une figure horoscopique, m'invitait par mon départ à déterminer? Il n'y a plus personne qui vous appelle. Partez. Il n'y a plus d'appel, dites-vous? Ce n'est pas ce que dit le cœur en moi qui écoute. Une mère figée devant Mogador retient ma nef appesantie. Gentilshommes, si le roi d'Espagne avait voulu détruire Ocali, croyez-vous pas qu'il avait moyen de le faire? Et nous, ayant été aussi longtemps tolérés, il avait quelques raisons? Cette Afrique à la porte du royaume, cet immense grenier à sauterelles qui trois fois nous a recouverts du temps de Tarif et de Youssouf et des Almohades, croyez-vous qu'on pouvait le laisser sans surveillance? Et qu'il ne faisait pas bon se réserver quelques moyens intérieurs de savoir et d'intervenir? Ocali, le renégat, a rendu plus de service au roi d'Espagne que Don Camille, le bailli. Je ne laisserai jamais dire que le roi d'Espagne ait besoin des services d'un renégat. Et moi qui sais que contre le mal, il y a toujours humblement quelque chose à faire, je dis que si le royal berger n'avait pas fait confiance à ce chien que je fus ici 10 ans, le loup lui aurait dévoré beaucoup plus de moutons. Non pas un chien, mais une épouse fidèle que nous admirons. Son épouse. Il est vrai. J'ai accepté d'être son épouse. Je n'avais plus de troupes. Il n'y avait plus d'autre moyen pour moi de continuer à Mogador, cette capitainerie que le roi m'avait confiée. La contrainte et commandement pendant 10 ans de cette bête féroce. Il est vrai, je dois rendre témoignage. Ma captive délivrée, main bateau par son ordre secouru contre les pirates, main naufragé sans rançon, affirme ce que Dona Pouez, ici, a fait 10 ans pour le royaume. Et la liste des méfaits d'Ocali serait plus longue encore. Tout ce qui venait de par chez moi était son butin préféré. Je ne pouvais tout empêcher. Cependant, j'étais la plus forte. Plusieurs fois, il m'a fouetté et torturé. Mais il avait obéi. Vous dites qu'il vous a fouetté et torturé? La première fois, c'est alors que je vous ai écrit cette lettre. La lettre à Rodrigue. Oh, je n'aurais jamais dû vous laisser avec lui. Pourquoi? Les coups d'un vaincu ne font pas mal. Et vous, vous le torturiez aussi. Dois-je penser que votre corps seulement était avec cet homme? Rodrigue. Ce que je vous ai juré chaque nuit est vrai. De là la mer, j'étais avec vous et rien ne nous séparait. Amère union. Amère, dites-vous. Ah, si vous aviez mieux écouté et si votre âme au sortir de mes bras n'avait pas bu aux eaux de l'oubli, que de choses elle eût pu vous raconter. Le corps est puissant sur l'âme. Mais l'âme sur le corps n'est plus. Ainsi que le prouve cet enfant que mon cœur tout rempli de vous a fait. C'est pour m'amener cet enfant que vous êtes venu. Rodrigue. Je te donne ma fille. Garde-la quand elle n'aura plus de mère avec toi. Ainsi, je l'avais deviné. Vous voulez retourner à Ocali. Il me reste à vous entendre refuser cette dernière proposition que je suis chargé de vous faire. Parlez. Si vous retirez votre flotte, il propose de me laisser partir avec vous. Qu'en dites-vous, messieurs? Je ne vois pas ce qui nous empêcherait de dire oui et de sauver cette femme qui, après tout, fut l'épouse du noble Pélage. Et moi, je suis d'avis qu'il faut finir ce que nous avons commencé et ne pas conclure avec ce renégat pacte. Avant tout, il veut se débarrasser de moi. Il veut essayer de vivre de nouveau. C'est moi qui l'empêche de continuer. Dirais-je ce qu'il a ajouté, monseigneur? Eh bien? Qu'il était bien heureux de créer de vous à lui cette petite obligation. Il me donne à vous, dit-il. Il me remet entre vos mains. Il me confie à votre honneur. Sa pensée est de nous humilier l'un par l'autre. Je suis venu ici pour répondre à votre appel qui était de vous délivrer de cet homme. Et je vous délivrerai. Je ne veux plus de lien entre cet infâme et vous. Cher Rodrigue, il n'y a pas d'autre moyen de me délivrer que par la mort. Et quoi? Qui m'empêchera de vous garder à mon bord, cependant que les morts là-bas me débarrasseront de Camille? L'honneur empêche. J'ai juré à l'homme de revenir si ces conditions ne sont pas acceptées. Je ne suis pas parti à cette promesse. Vous ne me ferez pas manquer à ma parole. Vous ne lui donnerez pas cet avantage sur vous et sur moi. Dois-je vous livrer aux mains des morts? Tout est prêt pour faire sauter la citadelle ce soir. À minuit, il y aura une grande flamme. Et quand elle se sera éteinte, un coup. Partez alors. Quelque chose sera fini. Qu'est-ce qui sera fini, Prouèze? Tout est fini pour Prouèze, qui m'empêchait de commencer. Officiers, compagnons d'armes, hommes assemblés ici, qui respiraient vaguement autour de moi dans l'obscurité, et qui tous avez entendu parler de la lettre à Rodrigue et de ce long désir entre cette femme et moi qui est un proverbe depuis 10 ans entre les deux mondes. Regardez-la, comme ceux-là qui, de leurs yeux maintenant fermés, ont pu regarder Cléopâtre ou Hélène ou Didon ou Marie d'Écosse et toutes celles qui ont été envoyées sur la terre pour la ruine des empires et des capitaines et pour la perte de beaucoup de villes et de bateaux. L'amour a achevé son œuvre sur toi, ma bien-aimée. Et le rire sur ton visage a été remplacé par la douleur, et l'or pour te couronner par la couleur mystérieuse de la neige. Mais cela en toi qui autrefois m'a fait cette promesse, sous cette forme un temps rapprochée de la disparition, n'a pas cessé un moment de ne pas être ailleurs. Cette promesse entre ton âme et la mienne, par qui le temps un moment a été interrompu, cette promesse que tu m'as faite, cet engagement que tu as pris, ce devoir envers moi que tu as assumé, elle est telle que la mort aucunement envers moi n'est pas propre à t'en libérer. Et que si tu ne la tiens pas, mon âme au fond de l'enfer pour l'éternité t'accusera devant le trône de Dieu. Meurs, puisque tu le veux, je te le permets. Vas en paix, retire pour toujours de moi le pied de ta présence adorée, consomme l'absence, puisque le jour est venu que tu cesses en cette vie, et que non pas un autre que moi, par les arrangements de la Providence, t'empêche désormais d'être un danger pour la morale et la société, et ajoute à cette promesse que tu m'as faite, la mort même qui la rend irrévocable. Une promesse, ai-je dit, la vieille, l'éternelle promesse. Et tout de même, d'où serait venu pour César et pour Marc-Antoine et pour ces grands hommes dont je vous ai donné tout à l'heure à penser les noms et dont je sens l'épaule à la hauteur de la mienne, le pouvoir tout à coup de ses yeux et de ce sourire et de cette bouche, comme si jamais auparavant ils n'avaient baisé le visage d'une femme, si ce n'était dans leur vie, toute prise au maniement des forces temporelles, l'intervention inattendue de la béatitude. Un éclair a brillé pour eux, par quoi le monde entier est frappé à mort désormais, retranché d'eux. Une promesse que rien au monde ne peut satisfaire, pas même cette femme qui un moment s'en est faite pour nous le vase, et que la possession ne fait que remplacer par un simulacre désert. Laissez-moi m'expliquer, laissez-moi me dépêtrer de ces fils entremêlés de la pensée, laissez-moi déployer aux yeux de tous cette toile que pendant bien des nuits j'ai tissée, renvoyée d'un mur à l'autre de cette amère véranda comme une navette aux mains de noires tisseuses. La joie d'un être est-elle pas dans sa perfection? Et si notre perfection est d'être nous-mêmes, cette perfection exactement que le destin nous a donné à remplir, d'où vient cette profonde exultation, comme le prisonnier qui, dans le mur, entend la sape au travail qui le désagrège, quand le trait de la mort dans notre côté s'est enfoncé en vibrant? Ainsi, la vue de cet ange pour moi qui fut comme le trait de la mort. Ah, cela prend du temps de mourir, et la vie la plus longue n'est pas de trop pour apprendre à correspondre à ce patient appel. Une blessure à mon côté, comme la flamme peu à peu qui tire toute l'huile de la lampe, Et si la perfection de l'œil n'est pas dans sa propre géométrie, mais dans la lumière qu'il voit et chaque objet qu'il montre, et la perfection de la main, non pas dans ses doigts, mais dans l'ouvrage qu'elle génère, pourquoi aussi la perfection de notre être et de notre noyau substantiel serait-elle toujours associée à l'opacité et à la résistance, et non pas l'adoration et le désir et la préférence d'autre chose, et de livrer sa lie pour de l'or, et de céder son temps pour l'éternité, et de se présenter à la transparence, et de se fendre enfin, et de s'ouvrir enfin dans un état de dissolution ineffable, de ce déliment, de cette délivrance mystique, nous savons que nous sommes par nous-mêmes incapables. Et de là, ce pouvoir sur nous de la femme, pareil à celui de la grâce. Et maintenant, est-il vrai que tu vas me quitter ainsi, sans aucun serment? Le paradis que la femme a fermé, est-il vrai que tu étais incapable de le rouvrir? Ces clés de mon âme, à toi seul que j'ai remises, est-il vrai que tu ne les emportes avec toi que pour fermer à jamais les issues de cet enfer pour moi en me révélant le paradis que tu as fait? Oh, Rodrigue, c'est pour cela que je suis venue. S'il est vrai que j'ai pris quelque engagement envers toi, c'est pour cela que je suis venue, Rodrigue, pour te demander de me le remettre. Tel était donc cet appel inlassable jour et nuit qui depuis 10 ans me recherche à travers la terre et la mer et qui ne me laissait point de repos. C'est, Rodrigue, de cette promesse que mon corps t'a faite, je suis impuissante à m'acquitter. Et quoi, voudrais-tu me faire croire qu'elle était mensongère? Que penses-tu toi-même? Tu peux mentir, mais je sais profondément que ton corps ne mentait pas. Et la joie qu'il me promettait. Le voici qui va se dissoudre. Il se dissout, mais la promesse qu'il m'a faite ne se dissout pas. Ah si, je puis te donner la joie. Je sais que tu le peux si tu le veux, et l'éternité ne serait-ce qu'une seconde. Mais avec quoi vouloir, Rodrigue? Comment faire pour vouloir, quand j'ai remis à un autre ma volonté? Comment faire pour remuer un seul doigt, quand je suis prise et tenue? Avec quoi parler, quand l'amour est maître de mon âme et de ma langue? À quoi me sert cette joie si tu ne peux me la donner? Ouvre et elle entrera. Comment faire pour te donner la joie si tu ne lui ouvres cette porte seule par où je peux entrer? On ne possède point la joie, c'est la joie qui possède. On ne lui fait pas de conditions. Quand tu auras fait l'ordre et la lumière en toi, quand tu te seras rendu capable d'être compris, c'est alors qu'elle te comprendra. Quand sera-ce, Prouet? Quand tu lui auras fait de la place, quand tu te seras retiré pour lui faire de la place toi-même à cette joie chérie, quand tu la demanderas pour elle-même et non pas pour augmenter en toi ce qui lui fait opposition. Oh, compagne de mon exil, je n'entendrai donc jamais de ta bouche que ce nom, et c'est encore non. Quoi, noble Rodrigue? Aurais-tu donc voulu que je remette entre tes bras une adultère? Et plus tard, quand Dom Pélage est mort et que j'ai jeté cet appel à toi, oui, peut-être il vaut mieux qu'il ne t'ait pas atteint. Je n'aurais été qu'une femme bientôt mourante sur ton cœur, et non pas cette étoile éternelle dont tu as soif. À quoi sert cette étoile qu'on ne rejoint jamais? Oh, Rodrigue, il est vrai, cette distance qui nous sépare, il est impossible par nous seule force de la franchir. Mais alors où est-il ce chemin entre nous deux? Oh, Rodrigue, pourquoi le chercher quand c'est lui qui nous est venu chercher? Cette force qui nous appelle hors de nous-mêmes, pourquoi ne pas lui faire confiance et la suivre? Pourquoi ne pas y croire et nous remettre à elle? Pourquoi chercher à savoir et faire tous ces mouvements qui la gênent et lui imposer aucune condition? Sois généreux à ton tour. Ce que j'ai fait, ne peux-tu le faire à ton tour? Dépouille-toi, jette tout, donne tout, afin de tout recevoir. Si nous allons vers la joie, qu'importe que cela soit ici-bas, à l'envers de notre approximation corporelle, si je m'en vais vers la joie, comment croire que cela soit pour ta douleur? Est-ce que tu crois vraiment que je suis venue en ce monde pour ta douleur? Non point pour ma douleur, Prouesse, ma joie. Non point pour ma douleur, Prouesse, mon amour, Prouesse, mes délices. Qu'ai-je voulu que te donner? La joie, ne rien garder, être entièrement cette suavité, cesser d'être moi-même pour que tu aies tout. Là où il y a le plus de joie, comment croire que je suis absente? Là où il y a le plus de joie, c'est là qu'il y a le plus prouesse. Je veux être avec toi, dans le principe. Je veux épouser ta cause. Je vais apprendre, avec Dieu, à ne rien réserver, à être cette chose toute bonne et toute donnée qui ne réserve rien et à qui l'on prend tout. Prends, Rodrigue, prends mon cœur, prends mon amour, prends ce Dieu qui me remplit. La force par laquelle je t'aime n'est pas différente de celle par laquelle tu existes. Je suis unie pour toujours à cette chose qui te donne la vie éternelle. Le sang n'est pas plus uni à la chair que Dieu ne me fait sentir chaque battement de ce cœur dans ta poitrine qu'à chaque seconde de la bienheureuse éternité s'unit et se resépare. Parole au-delà de la mort et que je comprends à peine. Je te regarde et cela me suffit. Oh, prouesse, ne t'en va pas de moi. Reste vivante. Il me faut partir. Si tu t'en vas, il n'y a plus d'étoiles pour me guider. Je suis seule. Non, pas seule. À force de ne plus la voir au ciel, je l'oublierai. Qui te donne cette assurance que je ne puisse cesser de t'aimer? Tant que j'existe, moi je sais que tu existes avec moi. Fais-moi seulement cette promesse et moi je garderai la mienne. Je ne suis pas capable de promesses. Je suis le maître encore. Si je veux, je peux t'empêcher de partir. Est-ce que tu crois vraiment que tu peux m'empêcher de partir? Oui. Je peux t'empêcher de partir. Tu le crois? Eh bien, dis seulement un mot et je reste. Je le jure. Dis seulement un mot. Je reste. Il n'y a pas besoin de violence. Un mot et je reste avec toi. Un seul mot est-il si difficile à dire? Un seul mot, et je reste avec toi. Le vice-roi baisse la tête et pleure. Doña Pruez s'est voilée de la tête aux pieds. Mère, ne m'abandonne pas! Une longue barque aux deux rangées de rameurs sans visage vient se mêler au vaisseau imaginaire. Deux esclaves noirs en sortent, qui la prennent sous les bras et l'emportent dans le funèbre esquif. Mère, ne m'abandonne pas! Mère, ne m'abandonne pas! Mesdames, Messieurs, vous venez d'entendre la troisième journée du Soulier de Satin, action espagnole en quatre journées de Paul Claudel. Illustration musicale de Louis Aubert, présentation du révérend Père Roguet, mise en onde d'Henri Vermeil. Cette émission vous a été donnée avec le concours de Madeleine Renaud, sociétaire de la Comédie Française, dans le rôle de Donia Musique. F. Francis, dans celui de Donia Pruez. Jean-Louis Barrault de la Comédie Française, interprétait le rôle de Don Rodrigue, devenu le vice-roi des Indes espagnoles. Fernand Fabre, celui de Don Camille. Cette émission vous a été donnée également avec le concours de Mesdames Marguerite Mayanne, Raymond Vernet, Yvette Dainville, Jean Retti, de Messieurs Jean Worms, Jean Touloute, Robert Moore, Lucien Brûlé, François Bibert, Albert Gercourt, Jacques Tan, Robert Dalban, Jacques Briana, René Villemet, Gaëtan Jor, Lucien Treffel et Paul Bernard dans le rôle de l'ange gardien. La voix chantée, Jeanne Segondi, orchestre sous la direction de Jean Giardineau.